Merci pour votre attention sur le 107FM. C'est Michel pour sa chronique du jeudi matin que j'ai intitulée 1er mai, tout simplement. Je m'interroge, la fête du travail est-elle encore une fête du travail et de fait une journée d'action pour les travailleurs? Certes, la désunion syndicale a pesé et pèse encore sur les défilés du 1er mai. Peut-on parler d'impuissance syndicale à peser sur le cours des choses? La réponse n'est pas facile dans une société où tout converge pour nous obliger à croire que seules les richesses cumulées contribuent à créer de l'emploi. Qu'il faut alimenter le capital pour développer l'économie. Une économie devenue énergivore et peu soucieuse de l'environnement. Même si certaines multinationales financent des actions de communication pour le climat, alors qu'elles-mêmes sont de grandes pollueuses. Croire que l'écologie est soluble dans le capitalisme est une erreur, et pour les vrais écolos qui le programment depuis longtemps. Certes, nombre d'entreprises, souvent sous la pression des citoyens, adoptent un comportement davantage soucieux de l'environnement. Mais n'y a-t-il pas là encore une volonté de masquer une carence à s'inscrire dans un ensemble d'actions concrètes qui ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise? Bien évidemment, c'est à nous, citoyens, consommateurs, d'infléchir une politique qui est loin d'être satisfaisante pour protéger l'environnement. Compter sur nos gouvernants pour cela relève au mieux de la déclaration d'intention sans véritable action concrète. Mais y a-t-il contradiction entre préserver les droits des travailleurs, des salariés en général, et la protection de l'environnement? Bien au contraire, il est possible d'imaginer une société où la participation citoyenne, surtout celle des salariés, les plus nombreux, serait le moteur d'une transformation sociale et par voie de conséquence économique, dans laquelle l'humain serait enfin considéré comme un élément essentiel pour lutter contre la dégradation de la planète. Certes, les citoyens peuvent encore s'exprimer dans notre pays sur les grands problèmes qui les concernent, mais de façon de plus en plus limitée. On le voit avec les lois qui ont été votées récemment. De plus, la plupart des médias sont sous la tutelle des grands groupes, nos gouvernants eux-mêmes étant sous la pression de lobbies particulièrement efficaces, peu soucieux du social, encore moins de l'environnement. Au fait, quand le glyphosate, pour ne parler que de ce pesticide, sera-t-il interdit? Faut se poser la question. Faut-il préconiser une croissance prétendument créatrice d'emplois au détriment de l'environnement? C'est jouer perdant-perdant. N'y a-t-il pas matière à réflexion et à redéployer des moyens créateurs d'emplois pour revitaliser une économie locale, s'appuyant sur de nouvelles techniques, peu sobres en énergie? Agir localement, mais penser globalement. Tel est le mot d'ordre qui ne date pas d'hier et que de vrais écolos adoptaient, pas seulement pour slogan, mais aussi dans la perspective de changer notre société, mais aussi l'avenir de notre planète. Ont-ils été écoutés? Très peu au début, beaucoup plus aujourd'hui. Sachant qu'une recentralisation à outrance et l'abandon des services publics a été une réponse particulièrement négative de nos gouvernants ultralibéraux qui se sont obstinés à promouvoir une économie dite de marché sans véritable régulation et très peu de lutte contre l'évasion fiscale. Et les syndicats ouvriers dans tout cela? Ils ont agi le dos au mur face à la régression des droits des salariés, à l'impact de notre modèle consumériste sur l'environnement. Y a-t-il un avenir pour eux au-delà de la simple négociation dans les entreprises? C'est à elles et à elles seules de nous apporter réponse à ce défi du XXIe siècle. La défense de l'environnement ne doit pas, ne peut pas se faire au détriment des droits sociaux et citoyens. Sinon, ce sera en vain. Les émergences des gilets jaunes doivent nous interroger. Les inégalités gigantesques, la misère suscitée par de nouvelles constructions sociales promues par nos gouvernements vont à l'encontre l'un espoir de voir se construire une société solidaire et écologique. L'un ne va pas sans l'autre, solidaire et écologique. Il est bon de rappeler, en ce lendemain de 1er mai, donc, cette façon de voir les choses qui ne peut pas être contournée. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.